vallée, descend du ciel, en marchant dans les pierres, en suivant la rivière, ma vallée, descend du ciel, dans un flot de lumière. C'est elle dans la savane, là-bas, la cabane de bois où dort mon enfance chez moi, ma vallée descend du ciel sur les pas de mon père. C'est la plus belle. Hop, vieux cow-boy, hop, yeah. Hop, on galope vers la vie. Emmène-moi près de ma prairie qui m'attend là-bas. Ma vallée descend du ciel dans la vieille guimbarde qui passe en cavalcade. Ma vallée descend du ciel et de loin je regarde mon clair soleil. Je cours la terre, tu vois, mais j'espère pour moi revoir ma savane là-bas. Et je veux courir le ciel quand la vieille guimbarde aura des ailes. Ma vallée dans la vieille guimbarde qui passe en cavalcade, ma vallée descend du ciel.